Les chasseurs de nazis. Chapitre 7. Les Américains font le ménage. Premier épisode. Un enquêteur privé spécialisé dans la traque des criminels nazis a identifié une femme au foyer qui réside aujourd'hui dans le quartier du Queens à New York comme étant une ancienne garde du camp polonais de Majdanek pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet enquêteur privé est Simon Wiesenthal, qui a joué un rôle important dans la recherche d'Adolf Eichmann en 1960. Le 14 juillet 1964, un journaliste du New York Times publie un article qui va faire sensation dans le pays. Son titre, « Une ancienne gardienne de camp nazi est aujourd'hui une femme au foyer dans le Queens à New York ». Écoutez la suite. La femme en question a déjà été incarcérée après-guerre en Autriche pour ses activités dans un autre camp. Mais le service américain de l'immigration déclare que lors de son entrée sur le territoire, elle n'a pas mentionné avoir été condamnée pour un quelconque crime. Cette femme s'appelait auparavant Hermine Bronsteiner. Elle est désormais citoyenne américaine et vit dans le Queens avec son mari Russell Ryan. L'historien américain Richard Raschke nous raconte la suite de l'histoire. Elle avait été jugée coupable en Autriche d'avoir battu à mort des femmes dans le camp de Ravensbrück. Elle ne pouvait pas les tuer parce que c'était un camp de travail et les cadavres ne peuvent pas travailler. Mais ensuite, elle a atterri dans ce trou de l'enfer, le camp de Majdanek, où elle s'est déchaînée. Elle piétinait à mort les femmes et les enfants, plus d'un millier. Les détenus la surnommaient la jument de Majdanek, la jument parce qu'elle les piétinait à mort. Elle a épousé un officier américain, elle est entrée par le Canada, et à un moment, il y a un enquêteur de l'INS, les services d'immigration et de naturalisation, qui l'a trouvée. Le 7 août 1973, Hermine Bronsteiner, déchue de sa nationalité américaine, est extradée vers l'Allemagne. Jugée à partir de 1975 avec d'autres gardes SS, elle sera finalement condamnée en 1981 à la réclusion criminelle à perpétuité. Ironie de l'histoire, cette ancienne gardienne de camp partage un jour de 1975 sa cour de promenade avec Beate Klarsfeld, incarcérée pour son activisme envers les anciens criminels nazis. Elle était à Cologne, Ossendorf, parce qu'elle était dans le procès de Majdanek. On s'est rencontrés, enfin, elle m'a expliqué qui elle était. C'est une dame très normale. Beate se retrouvait aussi avec une femme qui aussi marchait avec elle. Serge Klarsfeld. Cette femme, elle était jalouse de son enfant que son mari adorait. Alors... Elle l'a coupé en morceaux et lui a donné à manger, vous voyez. Alors, en prison, on ne rencontre pas que... Et je sais que on pouvait faire un travail volontaire pour passer le temps. Et puis, je crois qu'elle tricotait des petites pulls pour les enfants. Donc, vous voyez, elle a épousé un soldat américain. Elle est allée en Amérique, je crois que à Brooklyn, où elle a vécu. Et puis, donc, elle est découverte et extradée vers l'Allemagne. Mais après, en Amérique, elle a dû vivre comme une Allemande. Il y a une soldat américaine. Est-ce qu'il savait qui était sa femme? Je ne le sais pas. Mais enfin, en principe, elle s'est vraiment intégrée sans regret. Une histoire édifiante apportée au crédit de la justice américaine, ce n'est pas l'avis de l'historien Richard Raschke. Le gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait, même s'il savait que c'était une criminelle de guerre. D'ailleurs, elle avait été reconnue coupable lors d'un procès en Autriche. Et nos règles pour l'immigration stipulent que si vous avez été jugé coupable d'un crime n'importe où dans le monde, vous n'avez pas le droit de venir aux États-Unis. On n'invite pas des criminels sur notre sol. Mais on l'a protégée à cause de la boîte de Pandore. Si on l'ouvrait et que Bronsteiner en sortait, tous les autres allaient sortir. Alors on allait commencer à demander, est-ce que c'est la seule ? L'histoire s'emballe et c'est à nouveau dans le New York Times, cette fois-ci du 9 septembre 1972. Le gouvernement américain a commencé son enquête au sujet de Madame Bronsteiner Ryan dès juillet 1964, le lendemain de la publication de l'article du New York Times. L'an passé, cette femme a consenti à renoncer à sa citoyenneté américaine mais sans admettre devant le ministère de la Justice qu'elle avait été, je cite, « une gardienne cruelle, brutale et sadique, qui avait battu et torturé des prisonnières sans défense. Et non, elle n'était pas la seule criminelle nazie qui vivait sur le sol américain. C'est en tout cas ce qu'allait découvrir un jour de 1973 la sénatrice démocrate Elizabeth Holzman. À la tête aujourd'hui d'un think tank new-yorkais, cette femme, petite par la taille, est une grande dame par la force de conviction. L'histoire commence en un sens en 1973, mais en réalité, elle remonte très loin. Elle commence avec la famille de ma mère, qui avait survécu aux pogroms de Russie. Elle et sa famille ont émigré aux États-Unis. Et dans mon enfance, j'entendais des histoires sur les pogroms. Et quand j'étais petite, j'ai été confrontée à un certain antisémitisme ici aux États-Unis. Rien de bien grave, mais il y avait ici des signes visibles d'antisémitisme. Bref, avance rapide, jusqu'en 1973, j'ai été élue au Congrès en 72. J'ai pris mes fonctions en 73. À ce stade, je ne savais rien sur les criminels de guerre nazis qui vivaient en Amérique. J'avais peut-être lu quelque chose sur Hermine Braunsteiner, épouse Ryan, une gardienne de camp de concentration qui avait été arrêtée dans le Queens. Mais cela semblait être un fait divers isolé. Alors j'ai été nommée à la commission judiciaire de la Chambre, puis à la sous-commission à l'immigration, et je m'acquittais de ma tâche. Quand un beau jour, pendant l'été, peut-être en début d'automne 1973, un homme est venu me voir à Washington. Il avait un lien quelconque avec le service de l'immigration. Et cet homme, ce visiteur, était vêtu normalement, il parlait normalement. Il ne m'a pas raconté qu'il était poursuivi par des rayons laser ou par la CIA. C'était juste quelqu'un de normal. Et il m'annonce qu'il avait quelque chose à me dire. Il ne m'a jamais dit pourquoi il avait choisi de me parler à moi. Mais il me dit qu'il savait que le service de l'immigration des États-Unis possédait une liste de criminels nazis qui vivaient ici et qui ne faisaient rien. Ça a été un choc pour moi. Un choc parce que je n'en avais jamais entendu parler. Un choc parce que comment les États-Unis pouvaient-ils abriter des criminels de guerre nazis? Ça n'avait aucun sens. Les États-Unis avaient combattu Hitler pendant la guerre. Pourquoi des criminels de guerre nazis viendraient aux États-Unis? Pourquoi les autoriserait-on à rester ici? C'était absurde. Pourtant, cette personne me paraissait normal, il n'avait pas l'air fou. Alors j'ai hoché poliment la tête, je l'ai remercié pour l'information et quand il est parti, j'ai regardé mon assistant, il m'a regardé et je me suis écrié, c'est absurde, c'est dingue, ça ne peut pas être vrai. Mais ça me trottait dans la tête. Et dès qu'il y a eu une nouvelle séance de la sous-commission en présence de responsables du service d'immigration, on se réunissait de temps en temps parce qu'ils devaient présenter leur budget, parler de leurs problèmes. Donc là, c'était une réunion générale avec le directeur du service de l'immigration. Il est venu en personne. Et quand est arrivé mon tour de poser des questions, je me suis dit, allez, je me lance. Et j'y suis allée. Je lui ai demandé, est-il vrai que vous possédez une liste de criminels de guerre nazis qui vivent aux États-Unis? Il m'a répondu, oui. Et là, j'ai failli tomber de ma chaise. Parce que d'abord, les hauts fonctionnaires, normalement, ne disent pas la vérité. Et ensuite, comment pouvait-il confirmer un fait aussi horrible? Il m'a fallu quelques secondes pour retrouver mon souffle. Puis j'ai dit, bien, si vous avez cette liste, qu'en faites-vous? Je voyais bien qu'il n'en faisait rien. C'était juste des mots, un écran de fumée, plein de mots et d'offuscation. Non, je ne savais pas vraiment quoi faire, je n'étais pas vraiment préparée à cette réponse, mais j'ai dit, j'aimerais voir les dossiers de ces 53 criminels de guerre nazis. J'ignorais si j'avais le droit de demander les dossiers, mais je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter maintenant. À demain. Pour la suite des chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.